Pour cette plage abandonnée, c'est l'âme de la Bretagne qui est souillée, Nuit de Goéland, nuit de Cormoran pour s'envoler, il n'y a plus aussi ces terres sillonnées. Il n'y a plus de cabine pour s'échanger, plus d'hôtel, ils sont tous fermés. Et pourtant ce n'est pas la fin, Sur cette plage abandonnée, il n'y a plus d'enfants sur le sable pour s'amuser. Des vagues noires épaisses sur les rochers et des hommes pour ramasser. Gagnera toujours en mer des bateaux poubelles pour s'échouer et polluer. À ceux qui ne veulent rien voir, c'est pas. Pavillon noir. Oh yeah. Let's go. Ceux qui ne veulent rien voir, ces pavillons noirs, aux accros du pouvoir, à ceux qui...